fatigué, ses traits sont tirés. La route est longue depuis la chute. C'est bien une femme de Samarie qui demande paisiblement à boire. Cet homme juif vient de Galilée, oui, il s'arrête pour lui parler. Ses mots semblent la transpercer, s'emmène un seau pour puiser. Il veut lui donner de l'eau vive, une nouvelle raison de vivre. À la source du vrai bonheur,